A real good time.

Sors gagné. S'emparer des outils, production, création, évolution. Comme Serge, le passé, le faire, le faire.